بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 57 aujourd'hui dans le sharh de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam As-Sabuni rahimahullah avec les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et on était dans le chapitre au sujet de Khalqu af'al al-Ibad, la création des actes des créatures et des serviteurs, des êtres humains. Et souvent quand on dit al-ibad, hein, les serviteurs, eh bien il faut comprendre que ça comprend en réalité les hommes, hein, les êtres humains et les djinns, et les croyants et les non-croyants. Parce que les esclaves et les serviteurs d'Allah, c'est pas seulement les croyants. Tous les êtres qui sont créés par Allah, tous les autres, tout ce qui existe est un esclave d'Allah. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que le croyant, il choisit de se soumettre à Allah et d'être son esclave. Tandis que le kafir, il est esclave malgré lui. D'accord? Donc c'est ça la différence. À la kulli hal, ici, on parle des actions des créatures et... On a presque terminé d'expliquer ce chapitre-là. On a parlé de plusieurs points à ce sujet. On a réfuté les Jabriyah et les Qadariyah sur ce sujet. Maintenant, on arrive à un point où le Cheikh il dit « وَتَقْرَ الْقُرْآنَ فَتَجِدُ فِيهِ فَعَلُوا وَيَفْعَلُونَ فَعَلُوا وَيَفْعَلُونَ وَيَمْدَحُ الْفَاعِلِينَ إِذَا كَانُوا مُطِيعِينَ وَيَضُمُّ الْعُصَاتِ لمخالفتهم لأوامر الله ولارتكابهم لنواهيه يمدح المطيعين ويذم العاصين ويتوعدهم الوعيد الشديد على أعمالهم كانت كفرا أو كانت معاصي والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد فلا يدخلهم النار ولا يعاقبهم إلا على أمور فعلوها حقيقة بقدرتهم واختيارهم وإرادتهم ولا يضمهم إلا على أشياء فعلوها بقدرتهم واختيارهم وإرادتهم وكذلك الله عز وجل يجازي المطيعين على طاعتهم من صلاة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف وإحسان وبر ولا يظلمهم مثقال ذرة سبحانه وتعالى فهذا خلاصة ما يقال في أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى خالق للعباد وأعمالهم وصفاتهم وهم في نفس الوقت فاعلون لأفعالهم من طاعات ومعاص بقدرتهم واختيارهم وكل عاقل يدرك الأعمال التي تمارس بالاختيار والأعمال التي تؤتى عن طريق الاضطرار فالمضطر يعذر والمختار المريد القادر هذا يحاسب على عمله ويجازى على عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفقه دينه وأن يرزقنا التمسك بالكتاب بكتاب الله وسنة رسوله والسير على منهج أهل السنة والجماعة في كل شؤون دنيانا ديننا عقيدة ومنهجا إن ربنا لسميع الدعاء. Donc ça c'est la fin, hein? C'est la fin de cette section de ce chapitre sur les actions des serviteurs. Le cheikh il dit, tu lis dans le Coran et tu vas voir que Allah Azza wa Jal il dit à propos des hommes, des êtres humains et des créatures, il dit ils ont fait, ils font, hein, ils ont fait telle chose, ils font telle chose. Ça c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que les êtres humains ont leurs actions leur sont attribuées à eux. Donc, ça veut dire que c'est eux qui font ces actes-là. C'est pas Allah Azza wa Jal qui les force à faire ça. Et en même temps, ils sont glorifiés pour les actions qu'ils font lorsque ce sont des actes d'obéissance. Et ils sont blâmés lorsqu'ils désobéissent à Allah Azza wa Jal et qu'ils contredisent, les ordres d'Allah et qu'ils font des choses qui sont des interdictions. Donc Allah, il glorifie ceux qui font l'obéissance et il désobéit les désobéissants, les désobéissants et il les menace d'une menace sévère pour leurs œuvres qui sont mauvaises. Donc soit c'est du kufr, soit c'est des péchés, hein. Donc il les punit pour, il les menace de, pour ces actes-là de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, il ne fait pas d'injustice, même pas un atome d'injustice. Et il dit dans le verset 46, dans Surat Fussilat, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur n'est point injuste envers le serviteur. Donc, il va pas les faire rentrer en enfer, il va pas les châtier, excepté pour des choses qu'ils ont eux-mêmes fait réellement, avec leur capacité, avec leur choix, avec leur volonté. Et il ne les blâme que pour des choses qu'ils ont eux-mêmes fait, avec leur capacité, leur choix et leur volonté. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal, il rétribue les obéissants pour leur obéissance, soit la salat qu'ils ont fait, soit le jeûne, ou le djihad, ou l'ordonnance du bien, ou les bonnes œuvres et la bienveillance et la bonté qu'ils ont. Et il ne fait d'injustice à personne, hein, fût-ce le poids d'un atome. Et il dit, en résumé de tout ce qu'on a expliqué dans ce sujet, au sujet des actions des êtres humains et des créatures, eh bien, hein, on va dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur des êtres humains. Il a créé leurs œuvres, il a créé leurs caractéristiques, leurs attributs. Et eux, en même temps, ils sont responsables de leurs actions et c'est eux qui les font, ces actions, que ce soit des actes d'obéissance ou des péchés. Et quand ils font ces actes d'obéissance ou de péché, ils les font avec leur propre capacité, hein, leur propre pouvoir et leur propre volonté et leur choix. Et chaque personne intelligente est capable de distinguer et de comprendre entre les actions qu'il fait qui sont volontaires et les actions qu'il fait qui ne sont pas volontaires. Hein? Et la personne qui fait un acte qui n'est pas volontaire, eh bien, elle n'est pas blâmée. Hein? Même dans les actes de la dunya. Hein? Si comme par exemple... sans faire exprès, tu bouscules quelqu'un. Hein? Est-ce que la personne va t'en vouloir? Non, parce que tu n'as pas fait exprès. Tu t'es tourné et la personne, elle était là, tu savais pas. Alors tu l'as bousculé et puis tu t'excuses et puis c'est fini. Mais si quelqu'un est là et tu le vois, il te voit et là tu viens et tu le pousses, là c'est différent. Hein? Donc il y a une différence entre la personne qui fait quelque chose volontairement, une personne qui fait quelque chose involontairement. Et même dans les crimes, il y a cette distinction-là dans les tribunaux. Même dans les tribunaux qui jugent selon des lois faites par les hommes. Hein, ils jugent pas de la même manière celui qui fait un meurtre qui est prémédité et un meurtre qui est non prémédité ou bien qui est accidentel. Si quelqu'un, il a frapper quelqu'un avec sa voiture sans faire exprès, c'est un accident. Donc, c'est pas prémédité, c'est pas voulu. D'accord? Donc, la personne qui a fait un accident, elle est excusée. Tandis que la personne qui a choisi et qui a fait cette action-là de façon réfléchie, avec sa volonté, avec sa capacité, cette personne, elle sera jugée pour son œuvre. Et elle sera rétribuée pour ce qu'elle a fait. Si elle a fait du bien, ce sera une bonne chose qu'elle recevra en récompense. Et si elle a fait du mal, elle sera punie. Hein? Et elle recevra le mal qu'elle a fait. Et en terminant, le cheikh, il fait une invocation, un doua, en terminant ce chapitre, en disant, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le succès pour avoir la compréhension de sa religion et de nous donner le fait de s'accrocher à la religion, de nous permettre de s'accrocher à son livre, le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de pouvoir continuer à emprunter le chemin et la voie des gens de la sunna et de la jama'a dans toutes les affaires de notre religion, dans la aqida, dans le manhaj, et certes notre Seigneur est audient et il exauce les invocations. Donc pour ce chapitre, c'est ce qui est conclu. Un autre chapitre maintenant, c'est Al-Hidayatu min Allah. Al-Hidayatu min Allah. Donc ici, le cheikh, l'imam al-Sabuni, il dit, rahimahullah, وَيَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى دِينِهِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَنْهُ لَا حُجَّةَ لِمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ لَدَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية نعم ف donc on va traduire ça. Après, on va expliquer le qu'est-ce que le cheikh il dit à ce sujet. Ah non, c'est pas encore terminé. هذا ليس الشرح هذا كلام الإمام الصابوني مازال يعني. فسبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم بلا حاجة إليهم. فجعلهم فريقين. فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا شقيا وسعيدا قريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنظلي وهو ابن راهوية وقال أنبأنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. Donc ça c'est le chapitre en question, on va le traduire ici. Le cheikh As-Sabouni, l'imam As-Sabouni, il dit que et les gens de la sunna, ils témoignent que Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut vers sa religion et il égare qui il veut de sa religion. Et ils n'ont aucun argument, hein, il n'y a aucun argument pour celui que Allah l'a égaré. Hein, et il n'y a aucune excuse auprès de lui pour celui que Allah a égaré. Puisque Allah Azza wa Jal, il dit, et il a cité ici plusieurs versets, donc je vais vous donner les versets en question. Naam. Donc le premier verset c'est dans Surat Al-An'am, le verset 149. Naam. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il dit قُلِّ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Donc il dit, ce qui signifie, dit, l'argument décisif appartient à Allah. Et s'il avait voulu certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Hein? Donc ici, là, il y a un long tafsir de ce verset dans le tafsir al-Sa'di. Bon, si on aurait le temps, on l'aurait lu, mais yani, on n'a pas suffisamment de temps. Mais de toute façon, Inch'Allah, on va lire le charh de Cheikh Rabi'a, qu'est-ce qu'il va expliquer après, hafizallah, et on va clarifier un peu plus. L'autre verset que le Cheikh a mentionné, l'imam As-Sabouni, il dit « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. C'est le verset 13 dans Surat Al-Sajda. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Et si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidance. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinn et d'homme réunis. » Donc Allah Azza wa Jal, il a expliqué qu'il va remplir l'enfer et il va remplir l'enfer des hommes et des djinns. Il dit وَهَذَا كُلُّ هَذَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ حَيْثُ خَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِ فَلِهَذَا قَالَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا أَيْ لَهَدَيْنَا لَهَا لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى فمشيئتنا صالحة لذلك ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى ولهذا قال ولكن حق القول مني أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. Donc ça c'est le verset en question. Et le dernier verset qu'il a cité, ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Ça c'est dans Surat Al-A'raf. C'est celui-là qui est dans Surat Al-A'raf. Et j'avais dit, c'est le verset, oui, c'est le verset 179. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Hein? Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc, ça, c'est les trois versets. Tu avais une question, Sama? Al-hidayatu min Allah. Ça veut dire la guidance, elle vient d'Allah. D'accord? Donc, c'est ça la signification. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit que Allah Azza wa Jal, il a créé la création sans avoir aucun besoin des créatures. Donc, il nous a créés, pas parce que on a un besoin, il a un besoin de nous. Contrairement à ce que les mushrikines s'imaginent à propos de leur divinité, hein, les kuffars souvent et les mushrikines qui adorent des idoles et des statues, ils savent très bien que, ils savent très bien que ces divinités-là, si les hommes ne les adorent pas, et si les hommes les délaissent, eh bien, elles vont cesser d'exister. Hein? Elles vont cesser d'exister parce qu'elles ont besoin des hommes pour exister. Hein? Les idoles et les statues et toutes ces choses-là que les êtres humains adorent. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'idoles qui existaient à l'époque qui ne sont plus mentionnées aujourd'hui, qu'on ne connaît même plus, qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que les gens ont cessé de les adorer. Hein? Tandis que Allah Azza wa Jal, lui, il n'a pas besoin des créatures. Et il continue à exister, il est éternel, que les hommes croient en lui ou non. Tu vois? Et le fait que les hommes l'adorent, ça n'ajoute rien à son royaume. Et le fait que des hommes cessent de l'adorer ou refusent de se soumettre à lui ou refusent d'accepter, de croire en lui, ça ne lui enlève rien. Et le fait qu'on croit en lui, ça ne lui rajoute rien non plus. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal, c'est pour son bien, à lui. Et celui qui rejette la foi en Allah, c'est contre lui. C'est à lui-même qu'il se fait du tort. Ça ne fait aucun tort à Allah Azza wa Jal. Et donc, ici, le cheikh, il dit donc, Allah Azza wa Jal, il a créé la création sans aucun besoin des créatures. Et il les a divisées en deux groupes. Un groupe qui aura de ses délices dans le paradis par sa grâce, et un autre groupe qui aura l'enfer par sa justice. Et il a fait que parmi les créatures, il y en ait qui soient égarés et d'autres qui sont bien guidés, que certains soient heureux et d'autres malheureux, et certains sont rapprochés de sa miséricorde et d'autres sont loin de sa miséricorde. Et il mentionne aussi un autre verset, « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ». Hein? C'est-à-dire que c'est pas, lui, il n'a pas à être questionné pour ce qu'il fait. Tandis que les créatures, elles, c'est elles qui sont questionnées. Hein? Est-ce que la créature va questionner son créateur? Le créateur n'a aucun compte à rendre à sa création. Hein? Tandis que les créatures, c'est eux qui ont un compte à rendre à Allah Azza wa Jal. Ici, c'est le verset dans Sourate Al-Anbiya, le verset 23. C'est ça. Et l'autre verset qui est cité, Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. N'est-ce pas à lui qu'appartient l'ordre et la création et l'ordre? Hein? Que Allah soit béni, le Seigneur des mondes. Oui, c'est ça. C'est dans Sourate Al-A'raf. Ensuite, le cheikh, il a cité deux hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans lequel il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, As-sadiq al-masduq. Sadiq, celui qui est véridique. Al-masduq, c'est-à-dire celui que les... Yani ceux qui sont... croyant, il croit en tout ce qu'il dit. Hein? Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq, a dit, certes, Allah azza wa jal a créé, a rassemblé la création de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère, hein, ou la création de l'un d'entre vous, il l'a réuni dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, il est sous la forme de Notfa. Donc ça, c'est la description du développement du fœtus dans le ventre de la mère. Donc pendant 40 jours, il est décrit comme étant une Notfa. Et ensuite, il est décrit ensuite comme étant une Alaqa. Alaqa, une adhérence, ils ont dit quelque chose qui s'accroche. Ensuite, il est 40 jours encore comme une Mudra. Hein? Et ensuite, Allah Azza wa Jal lui envoie un ange. Donc pendant les 120 jours, qui équivaut à 4 mois, il est en train de se développer dans le ventre de la mère. Et c'est à ce moment-là, à 4 mois, que l'ange vient pour souffler l'âme dans ce fœtus-là. Avant ça, il n'a pas encore d'âme. Mais après 40 mois, 120 jours, eh bien l'ange descend avec l'ordre d'Allah d'insouffler l'âme et il dit, il écrit également sa destinée. Il va écrire 4 choses. Il va écrire son risque, sa subsistance. Il va écrire son œuvre, ses actions. Il va écrire son terme, c'est-à-dire jusqu'à quand il va vivre, et il va écrire s'il est heureux ou malheureux. D'accord? C'est-à-dire s'il va être au paradis ou en enfer. Et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui a mon âme en sa main. L'un d'entre vous, il va faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite distance entre lui et le paradis. Et yani, il va être rattrapé par ce qui a été écrit préalablement dans le livre pour lui, c'est-à-dire dans la prédestination, et il va se mettre à faire les actions des gens de l'enfer, et finalement il va entrer en enfer. Et le contraire est vrai également, que l'un d'entre vous, il peut faire les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une courte distance entre lui et l'enfer, et il est rattrapé par ce qui a été écrit préalablement dans le livre à son sujet, et il se met à faire les actions des gens du paradis, puis il finit par entrer au paradis. Donc ça veut dire que le croyant, il doit toujours rester vigilant et demander à Allah Azza wa Jal la fermeté jusqu'à la fin de sa vie. Parce que personne ne sait comment il va conclure son existence. Et il cite un autre hadith aussi qui a ce même sens, qui est rapporté selon Aisha radiallahu anha, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme va faire les actions des gens du paradis, alors que c'est écrit dans le livre qu'il sera parmi les gens de l'enfer, et au moment, avant de mourir, il commence à changer et faire les actions des gens de l'enfer, et puis il entre en enfer. Hein? Et il dit, il y a un homme qui va faire les actions des gens de l'enfer. Et il a été écrit dans le livre qu'il sera parmi les gens du paradis. Alors avant sa mort, il fait les actions des gens du paradis et il meurt et puis il rentre au paradis. Donc ça prouve encore la même chose, c'est le même point. Ensuite, il y a un autre chapitre qui s'intitule Al-Khayr wa Shar. Et l'imam As-Sabuni, il dit dans ce chapitre là, wa yashhadu ahlu sunnati wa ya'taqidun anna al-khayra wa ash-sharra wa an-naf'a wa ad-durra والضر والحلو والمر بقضاء الله وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقده الله عليه لم يقدروا وعلى ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله تعالى ولا يتوهم منه نقص على الانفراد فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافيس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال له لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين ما أضاف المرض إلى نفسه فالشفاء إلى ربه فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه أي نعم وإن كان الجميع منه جل وعلا. Ici, le Cheikh explique que le bien et le mal, ça vient d'Allah Azza wa Jal, dans le sens que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le bien et qui a créé le mal. Et les gens de la Sunna, ils témoignent que, et ils croient également que le bien et le mal, qu'est-ce qui est nuisible et bénéfique, qu'est-ce qui est doux et qu'est-ce qui est amer, que tout ça c'est par le décret d'Allah et par sa prédestination. Personne ne peut rejeter ou repousser le décret d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut s'en échapper, personne ne peut s'en enfuir et il n'y a rien qui va atteindre une personne excepté ce que son Seigneur a écrit pour lui. Et même si tous les êtres humains et les djinns faisaient un effort pour te profiter dans quelque chose que Allah n'a pas écrit pour toi, ils ne seraient pas capables. Et même s'ils faisaient l'effort d'essayer de te nuire, dans quelque chose que Allah n'a pas décrété pour toi, il ne serait pas capable. Comme cela a été mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, le hadith qui est connu, Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même si tous les hommes se réunissent pour te faire un bien, ils ne pourront rien te faire excepté ce que Allah a écrit pour toi. Et le contraire est vrai également. S'ils veulent te nuire, ils ne pourront pas accepter ce qui a été écrit pour toi. Et il cite le verset également, c'est le verset 107 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, « Et si Allah Azza wa Jal te prend avec quelque chose qui te, comme un mal, quelque chose qui te fait un mal, personne pourra le te délivrer de ce mal excepté Allah. S'il y a un mal qui te touche de la part d'Allah, personne pourra enlever ce mal excepté lui. Et s'il te veut un bien, personne ne pourra rejeter ou repousser sa grâce. D'accord? Donc ça veut dire que le bien et le mal, c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui a le pouvoir de le contrôler. Et c'est seulement lui qui peut décréter le bien et le mal. Donc si tu veux quelque chose, mets ta confiance en Allah et remets-toi-en à Allah. Donc les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien ça c'est leur croyance à ce sujet-là. Sauf que ils ont c'est comme si ils ont une bonne façon ou une bonne manière en ce qui concerne tout ce qui touche à Allah Azza wa Jal. Ils ont le bon comportement avec Allah Azza wa Jal quand ils parlent de lui. Et donc, le Cheikh, il explique ici que parmi les voies des gens de Ahl Sunnah, c'est que yani, malgré qu'ils disent que le bien et le mal viennent d'Allah, et que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décrété, ils n'attribuent pas le mal à Allah directement. Par respect, par respect et par politesse envers Allah Azza wa Jal, pour ne pas donner l'impression d'une imperfection. On ne va pas lui attribuer le mal ou quelque chose de mauvais. Donc, le Cheikh, il donne un exemple pour qu'on comprenne. Si par exemple, on sait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé. Et il a créé le singe, il a créé le porc, et il a créé d'autres bestioles. D'accord? Mais quand on fait des doigts et quand on invoque Allah Azza wa Jal, on l'invoque par ce qui fait partie des éloges et des glorifications d'Allah, et on ne va pas le mentionner en mentionnant des créatures qu'il a créées qui sont, disons, des créatures qui sont rabaissées. Pourquoi? Parce que si on fait ça, c'est comme si on dénigre Allah Azza wa Jal. Malgré que c'est lui qui les a créés, on ne va pas dire par exemple, Oh Allah, toi le créateur des porcs et le créateur des singes, quand tu vas invoquer Allah, tu ne vas pas l'invoquer en disant ça. D'accord? Pourquoi? Par politesse, par respect envers Allah Azza wa Jal. D'accord? Malgré qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui et que c'est seulement lui qui a créé ces créatures-là. D'accord? Et comme on a vu dans le doigt du prophète, parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi qui nous a enseigné ce bon comportement-là envers Allah. Lorsqu'il fait le dua, il dit « Tabarakta wa ta'alayt »« Tabarakta wa ta'alayt » C'est-à-dire « Tabarakta » yani que tu sois sanctifié, que tu sois béni. « Wa ta'alayt » que tu sois exalté. « Wa al-khayra fi yadayk » et le bien est entre tes deux mains. « Wa al-sharru laysa ilayk » et le mal ne t'est pas attribué. C'est ça que ça signifie. On ne doit pas attribuer le mal à Allah, comme si quand on va l'invoquer en mentionnant « Oh toi, le créateur du mal », on ne va pas dire ça. « Oh toi qui as prédestiné le mal », on ne va pas dire ça. Ça, c'est manquer de respect envers Allah Azza wa Jal. Même si c'est lui qui l'a créé, même si c'est lui qui l'a prédestiné et qui a tout prédestiné ce qu'il y a de bien ou de mal. Mais c'est par bon comportement, par politesse, par bonne manière envers Allah Azza wa Jal qu'on ne lui attribue pas ça de cette façon. Et on voit l'exemple de ça aussi dans presque tous les versets dans le Coran. C'est-à-dire où il y a ce genre de situation-là. L'exemple de Khidr, le Cheikh il a cité dans Surat Al-Kahf, lorsque Khidr mentionne l'explication à Moussa de qu'est-ce qu'il a fait, il dit en ce qui concerne le bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur la mer, il dit fa aradtu an a'ibaha, il dit et j'ai donc voulu yani l'endommager, le briser, hein, pour pas que il soit yani disons pour pas qu'il soit usurpé ou pris par le roi parce qu'il était injuste, d'accord. Et donc il a fait ça pour le bien. Mais quand il l'a fait, quand il a parlé de ce geste-là, de l'endommager, il n'a pas attribué à Allah. Il l'a attribué à lui-même. Et il a mentionné ça comme étant sa volonté à lui. Et donc, il dit, quand il a mentionné le bien et la bonté et la miséricorde, il l'a attribué à Allah Azza wa Jal. Hein? Mais quand il a mentionné yani, le fait de vouloir endommager le bateau, il l'a attribué à lui-même. Et il dit, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Donc quand il dit, par exemple, par rapport au mur, et qu'il y avait les deux enfants, et qu'il voulait, étant donné que ses parents étaient bons, il voulait donc que ces deux enfants-là atteignent yani, l'âge adulte et qu'ils soient capables de pouvoir profiter de ce trésor qui était enterré. Donc il a voulu donc redresser le mur de cette façon-là. Il a dit, il a attribué ça à son Seigneur. Il a dit, ton Seigneur a voulu que ces deux enfants atteignent l'âge adulte et qu'ils puissent extraire ce trésor, hein, qui leur appartient à tous les deux, par miséricorde de ton Seigneur. Donc quand il s'agit de la miséricorde, il l'a attribué à Allah. Mais quand il a endommagé le bateau, il l'a attribué à lui-même, hein, Khidr. Et l'exemple est également à propos de Ibrahim aussi la même chose. Quand il dit, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, c'est-à-dire quand je tombe malade, yani, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit, quand tu me rends malade, c'est toi qui me guéris. Hein? Il a dit, quand je suis malade, tu me guéris. Donc il a attribué la maladie à lui-même, mais la guérison, il l'a attribué à Allah. C'est par respect, par politesse. Hein? C'est les bonnes manières qu'on emploie pour quand on s'adresse à Allah ou quand on parle d'Allah. Hein? Parce que, comme par exemple, toute personne qui meurt, c'est Allah Azza wa Jal qui a prédestiné et qui a voulu qu'il meure. Est-ce que tu dis, Allah, il tue les hommes? Ou il tue les gens, non. Hein? On dit pas ça parce que yani, ça se dit pas. C'est pas comme ça qu'on parle d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc quand c'est un bien, on l'attribue à Allah Azza wa Jal. Et quand c'est un mal, eh bien on l'attribue à sa création, même si c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait. Hein? Comme on dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Hein? Min sharri ma khalaq. Donc on dit, je cherche refuge en l'aube naissante, en le Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé. Hein? Contre le mal de ce qu'il a créé. Donc ça, c'est un autre exemple. Puis il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi. Que des ulama ont mentionné dans le Coran, des exemples, beaucoup d'exemples de ce genre-là. Il y en a plein qui nous montrent justement comment on doit parler à propos d'Allah Azza wa Jal dans ces questions-là en particulier. Et ça fait partie de la méthodologie et de la voix des gens de Ahl Sunnah quand ils parlent à propos d'Allah Azza wa Jal. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il nous reste un autre point, peut-être on peut lire ce point-là, mais sinon ça, on peut le laisser pour la prochaine fois, parce qu'il reste juste 4 minutes. Donc on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine, on va reprendre, et puis on va expliquer et clarifier tout ce qu'on a lu aujourd'hui, on va l'expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.